إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن من أجل العبادات وأعظم القرب وأنفع الطاعات الصدقة على الفقراء الصدقة على فقراء المسلمين ومساكينهم والإنفاق على محتاجيهم والبذل على من أصابتهم الأمراض والعاهات فأقعدتهم عن التكسب والعمل والجود على من حلت بأرزاقهم الجوائح والإعانة لمن خنقتهم الديون وإن الصدقة سميت بهذا الاسم لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه وخلفه العاجل والآجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فتأمل كيف يتضاعف مالك أو كيف يتضاعف مالك إذا أنفقته في سبيل الله حتى قد يصل إلى 700 والله يضاعف أكثر وهذه المضاعفة بحسب إخلاصك بحسب إخلاصك في عملك وبحسب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم محمد وقد قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير انظروا كيف أن المال أمانة عندنا جعلنا الله مستخلفين فيها ثم إذا أنفقناها في الخير فقد وعدنا الله أجرا كبيرا فأين المنفقون عباد الله إن المتصدق يضاعف الله له صدقته ويجدها يوم القيامة أمامه أوفر ما تكون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه ومعنى فلوه أي مهره الصغير أو مهره الصغير أما المسلم فإن صدقتك أيها المسلم من أسباب حفظ مالك ونمائه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه إن المتصدق محسن لنفسه قبل غيره قال الله تعالى وما تنفق من خير فلأنفسكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري إن المتصدق متسبب في بسط رزقه وزيادة ماله وحلول البركة فيه قال الله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن صدقتك من أسباب حفظ مالك ودخوله معك في قبرك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه مسلم عباد الله إن الإنفاق في سبيل الله لا ينقص من مالك بل يزيده فكن على يقين من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم إن صدقتك من أسباب محو خطاياك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار رواه الترمذي عباد الله إن الصدقة في أبواب الخير وإنفاق المال في سبيل الله من أسباب انشراح الصدر وطيب النفس والعكس بالعكس قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله أو أعطاه لله وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سروره أو من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير ويمينه كالريح المرسلة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة في فعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وقال فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عباد الله ها هو شهر رمضان تضاعف فيه الأعمال وتزاد فيه الأجور قال بعض السلف إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره فاغتنم رمضان أيها المسلم قبل أن يذهب، وأنفق من طيب مالك قبل أن تذهب عنه، فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما خلفت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que parmi les plus grandes formes d'adoration et les plus grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et les formes d'obéissance les plus bénéfiques pour le serviteur, il y a ce qu'on appelle en arabe as-sadaqa, et c'est traduit parfois par l'aumône ou la charité, et c'est le fait de donner de nos biens ou de ce qu'on possède pour aider les autres, que ce soit le fait d'aider les pauvres, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont été frappés par des malheurs, des accidents, des maladies, des gens qui ont été frappés par des catastrophes, ou bien des gens qui ont été pris par des dettes qui sont extrêmement lourdes pour eux et qu'ils doivent payer et qui les a mis dans la difficulté et dans les problèmes. Et donc la sadaqa, c'est une des formes d'adoration les plus grandes et les plus importantes. Et en même temps, on l'appelle sadaqa en arabe parce qu'elle indique, yani al-sidq, elle indique la véracité et la sincérité de la personne qui fait la charité et l'aumône. C'est-à-dire, elle indique que la personne, elle est véridique dans sa foi et qu'elle a la conviction en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah va lui substituer ses biens et lui remplacer par quelque chose de meilleur, soit dans cette vie ou dans l'autre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus aimé par le serviteur que l'argent et que les biens qu'il possède. Et donc lorsque le serviteur prend ce qu'il aime le plus et le donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça c'est un signe qu'il est sincère. Hein? Parce que quelqu'un ne va pas donner ce qu'il aime le plus sans que ce soit yani, un signe que la personne en question, elle croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle croit en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser soit dans cette vie d'ici-bas, soit dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran de dépenser et de donner de nos biens. Il dit, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Il dit également ce qui signifie l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, c'est comparable à une graine qu'on a semée et qui a fait pousser 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 700 grains. Et Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense pour qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est vaste et immense dans sa grâce et omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. C'est-à-dire que lorsque tu donnes dans le sentier d'Allah, lorsque tu fais une aumône et une charité, cette charité et cette aumône, elle est multipliée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les récompenses de cette aumône sont multipliées de façon exponentielle. Une graine qui fait pousser 7 épis, sur chaque épi, 700 graines. Imaginez si chacune de ces 700 graines, sur chacune de ces 7 épis, on la donne encore. Imaginez le résultat de ça. Ça, c'est des résultats d'une valeur exponentielle. Ça veut dire que les récompenses, lorsque tu arrives au jour de la résurrection et que tu vois le résultat de ton aumône, eh bien, tu retrouves des montagnes devant toi. Hein? Et toi, tu n'avais même pas prévu ça. Tu n'avais même pas calculé. mais Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Et donc réfléchis, réfléchis sur ce point-là et dis-toi que la multiplication de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes biens, elle correspond à ton ikhlas, à ta sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton œuvre. Le fait de le faire purement pour lui et uniquement pour son visage et pour son agrément, et pour rien d'autre et personne d'autre que lui. C'est pas pour que les gens disent comme il est généreux, hein? C'est pas pour que les gens te glorifient le fait que tu donnes beaucoup de charité et d'aumône. Tu le fais uniquement pour yani avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il dit la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Hein? Tu donnes dans le sentier d'Allah, tu nourris les pauvres, tu aides les gens dans le besoin, et tu dis je ne veux aucun remerciement, aucune reconnaissance, aucune récompense de votre part. Hein? On le fait uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran ce qui signifie, il dit au prophète et à ceux qui le suivent, croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance, que vous donnez les uns après les autres. Yani, vous vous succédez les uns les autres dans ces biens. Hein? Toi, tu as des biens et tu les laisses pour ceux qui viennent après toi lorsque tu meurs. Ils le prennent en héritage. Et eux, ils utilisent cet argent également et ils vont le laisser à ceux qui viennent après eux et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'on puisse succéder dans ses biens et il nous ordonne de dépenser de ces biens-là et il nous promet une récompense immense. Et donc si on donne, Allah nous promet une récompense. Alors il ne faut pas être avare, il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas être avide et avoir peur de la pauvreté. Et il faut dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui donne dans le sentier d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui multiplier les récompenses au jour de la résurrection. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que celui qui donne même une date, hein, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ittaqin nar walau bi shaqqi tamra » « Fais attention au feu, préserve-toi du feu même avec yani, la moitié d'une date. » Donc celui qui donne une date et qui l'a gagné, l'argent par lequel il a acheté cette date, il l'a eu de l'argent qui est bon, hein, de l'argent qu'il a eu dans qu'est-ce qui est halal. Allah, il n'accepte que ce qui est bon. Et donc celui qui donne, Allah l'accepte par sa main droite et il l'a fait croître, cette sadaqa, pour la personne qui l'a donnée. Hein? Et il va arriver au jour de la résurrection, il va la trouver comme une montagne devant lui. Et donc également parmi les conséquences et les causes de faire la sadaqa, il y a que ça fait également augmenter tes biens. Pas seulement ta récompense dans l'au-delà, mais même tes biens dans cette vie d'ici-bas. Celui qui donne en charité et en aumône, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire augmenter sa richesse. Il va devenir plus riche. Et des fois, les gens, ils ont l'idée que si on dépense et si on donne de notre argent, eh bien, ça va faire diminuer notre argent. Alors que la sadaqa, c'est le contraire. Plus tu donnes en sadaqa, plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'enrichir et va te donner plus dans cette vie d'ici-bas et il va te récompenser pour ça dans l'au-delà également. Et c'est rapporté également selon Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque jour que le serviteur se lève, il y a deux anges qui descendent. » Et un de ces anges dit « Oh Allah, celui qui donne dans ta cause et dans ton sentier et qui aide les gens, eh bien donne-lui plus. Hein? Tandis que celui qui retient et qui refuse de donner, eh bien, fais-le faire faillite. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, la personne qui donne en sadaqa, c'est pas seulement pour les autres qu'elle fait du bien. Elle fait du bien à elle-même en premier. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie, et tout ce que vous donnez, tout ce dont vous dépensez dans le bien, c'est pour vous-même que vous le faites. C'est pour vous-même parce qu'à la fin, c'est vous qui allez recevoir les fruits de ça et les récompenses de ça. Et également, c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépense au fils d'Adam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dépense au fils d'Adam et moi je vais dépenser sur toi. Donc plus tu dépenses dans le sentier d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala dépense pour toi et il te donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également que il met la bénédiction et le bien dans la subsistance de la personne qui donne pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui aide les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous le donner. Hein, en double, il va vous le faire restituer. Il va vous le redonner en plus grand également. Et c'est le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Et donc, non seulement Allah te récompense, il augmente tes biens, mais à cause de ta sadaqa, il va préserver ce que tu possèdes. Parce que tu ne vas pas rentrer dans la tombe avec ton argent avec toi. Tu vas arriver, lorsque tu meurs, tu ne vas pas amener ton argent avec toi dans la tombe. Ton argent, elle va rester. Si tu l'as donné, fi sabilillah, tu auras la récompense, tu gagnes quelque chose. Mais si tu l'as gardé, tu l'as gardé dans un coffre et tu ne le donnes pas, fi sabilillah, eh bien, c'est les autres qui vont en hériter à ta place. Et tu n'auras rien de cet argent-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses qui suivent le mort. Il y en a deux qui retournent et il y en a une qui reste. Ta famille et tes biens et tes actions. Ta famille et tes biens, ils retournent. Mais tes actions, c'est ce qui reste avec toi dans la tombe. Et ta sadaqa fait partie de tes actions. Également, celui qui dépense dans le sentier d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente, l'augmente en conviction et en sincérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et également, c'est une chose qui fait que tes péchés sont effacés. Tes péchés sont effacés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie que la sadaqa que tu donnes, elle l'éteint. Elle efface les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. Et donc, tout ça, ça fait partie des mérites de donner la sadaqa et de faire du bien. Et lorsque tu es dans le mois de Ramadan, eh bien, c'est encore plus important de faire des efforts pour dépenser de nos biens. Et tout ce qu'on donne, même un centime, dans le sentier d'Allah, tout ce qu'on fait pour aider les gens dans le besoin, tout ce qu'on fait pour donner aux pauvres, eh bien, la récompense de ça et la valeur de ce qu'on donne en sadaqa, dans le Ramadan, il est multiplié plus que d'habitude. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il a 700 fois, plus que 700 fois, même plus que ça encore. Et donc, c'est le moment d'en profiter, de faire des bonnes œuvres pendant ce mois-là. Et ne laissez pas le mois passer avant d'avoir profité au maximum de donner en sadaqa et de faire des aumônes et d'aider. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.